Dieu la terre. Je mettrai le cap sur les étoiles, loin de ce monde où tout fait si mal. Misère, Dieu la vie colère.